Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de la radio qui aime le son. C'est KRL sur le poste au 89.1 et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie de Sarah Pagé, une musicienne accomplie qui explore depuis plusieurs années le potentiel sonore de la harpe. Passionnée de cet instrument inventé il y a quelques 5000 ans, Sarah Pagé nous dévoile aux commandes de sa harpe techno un univers sonore fabuleux, étonnant, voire émouvant, à partir d'improvisations musicales, tantôt planantes, tantôt rythmées de sonorités, d'une fluidité quasi surnaturelle, vous allez voir. Bien que fidèle à l'essence de l'instrument qu'on reconnaît aussitôt, Sarah Pagé en pousse les limites par une pratique performative qu'on peut qualifier vraiment d'audacieuse, d'intelligente, surtout comme nous le révèle son tout récent album intitulé Voda, dont on écoutera ce soir des extraits. Originaire de Greenfield Park, région de Montréal, harpiste Sarah Pagé, surtout connue comme cofondatrice et membre de longue date de la formation de Barr Brothers, tout aussi à l'aise avec l'univers musical classique que populaire, elle a collaboré avec de nombreux artistes, dont la regrettée Lassa de Sela, le très actuel Patrick Watson, Land of Kush, Johnny Void et Patrick Graham, entre autres. Sarah a produit jusqu'à maintenant quelques albums qui témoignent d'une grande sensibilité. J'ai rencontré Sarah Pagé à Montréal il y a quelques semaines. Je vous propose qu'on l'écoute nous raconter les moments forts de son parcours artistique assorti, évidemment, de ses créations sonores à l'harpe. Alors, on écoute ça. Alors, Sarah Pagé, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer ce matin. D'entrée de jeu, Sarah, les artistes qui travaillent avec l'instrument, la harpe, qui est un instrument millénaire, c'est tout de même exceptionnel. Ils ne sont pas très nombreux, nombreuses. Et comment la harpe arrive dans ton destin d'artiste? Comment ça se passe? Pour moi, c'est un petit peu... peut-être pas la portée normale, mais j'étais vraiment j'adorais les films de... Est-ce que tu connais les Marx Brothers? C'est des comédiens américains, vaudeville, un petit peu, style. Et un de leurs... ses trois frères, et il y en a une, Harpo Marx, que c'est un pantomime, mais aussi une harpiste. Et il y avait toujours comme des moments dans ces films-là où est-ce que tous les blagues s'arrêtaient et Harpo se mettait à la harpe pour jouer pendant 3-4 minutes. Et vraiment, déjà, lui comme personnage, il me fascinait en termes de comédien, mais aussi le fait qu'il jouait de la harpe et d'une façon avec tellement de tendresse et de sens d'humour. C'est vraiment, c'était ça toujours depuis la première fois que je l'ai vu. C'était ça le but pour moi. Et tu étais déjà à ce moment-là dans un parcours musical en termes de formation, ou si c'est la harpe qui a été qui t'a mobilisé, qui t'a encouragé comme un projet là, lié à l'instrument? Ben je me rappelle pas si qu'est-ce qui était venu en premier, mais je sais que quand j'étais jeune, ma mère elle nous a acheté une piano. Et moi et ma sœur, on était tous les deux dans des cours de piano quand on était très jeunes. Mon père était aussi guitariste, donc il y avait une guitare à la maison. Mais je pense que ça se peut que je commençais à demander à mes parents déjà avant le piano arrive dans la maison pour la harpe. Mais ça a pris longtemps, donc j'ai commencé avec le piano quand j'étais jeune. Et quand j'étais adolescent, j'ai changé à la guitare. Mais vraiment, j'ai jamais arrêté de demander pour la harpe. Mais c'est juste que qu'est-ce que les parents sont supposés de faire quand ton jeune te demande quelque chose comme ça? C'est pas très commun, donc ils savaient pas comment trouver une professeure ou un instrument, et c'est très cher, donc ils avaient rien à faire. Puis en plus, les enfants, des fois, ça demande la lune une journée, puis les étoiles le lendemain, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment qui va durer. Oui, tout à fait. Sarah, si tu veux, on va, pour se mettre un peu dans l'ambiance de ton travail d'expérimentation, à la fois musicale, sonore, on va écouter une première pièce qui s'intitule « Lithium Taper ». Ça, c'est tiré de ton premier album, oui. Solo, je dirais. Donc, on écoute cette pièce, puis on revient ensemble sur notre échange, notre conversation. Alors, on écoute ça. Thank you. Sarah, tu as eu d'abord une formation classique, j'imagine, avec, tu as aussi expérimenté plusieurs instruments, mais j'aimerais savoir comment ça se produit, que cette bascule qui te font passer de la musique classique, je vais dire ça comme ça, de la musique classique à l'expérimentation sonore, à l'harpe. Quel a été le moment décisif? Qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage qui a fait que c'est devenu pratiquement une passion que d'expérimenter, de pousser à son extrême le potentiel de la harpe? C'est quelque chose qui s'est produit en amitié, disons. J'ai passé beaucoup de phases et de directions différentes dans ma vie. Et c'est toujours un petit peu des fascinations avec ce que mon communauté m'offre et un petit peu de recevoir un kick au bon moment. Donc, quand j'étais à Cégep, Vanier, j'étais guitariste et finalement, c'est à ce moment-là que j'ai arrivé à trouver une professeure et changer à la harpe. Mais j'étais à l'école avec Patrick Watson, toute une génération de musiciens incroyables avec lesquels je travaille encore. Et c'est Patrick, au début, qui a commencé à chaque fois qu'il n'était pas connu. Et il faisait des petites shows à Café Sarajevo et à Casa del Popolo. Et à chaque fois qu'il faisait un spectacle, il me demandait comme, viens avec ta harpe, tu vas improviser une chanson, deux chansons, essaye donc. Puis j'étais tellement nerveuse, je ne savais pas comment improviser du tout. Mais le fait d'être avec des amis qui me poussaient dans cette direction-là, qui était vraiment comme complètement différent pour moi. J'avais jamais vraiment pensé à la musique dans cette façon-là, bizarrement. Mais c'est toujours en poursuivant un petit peu ces nuits magiques que je découvre la bonne personne au bon moment. J'ai rencontré Lassa de celle-là à ce moment-là avec Patrick aussi, un souper, puis on a trouvé qu'on s'entendait très bien. Donc elle aussi, c'était « Viens chez moi, on va commencer à écrire ensemble. » Et c'était des artistes qui souhaitaient que tu pousses un peu plus loin l'expression de la harpe là, dans un contexte, à la fois de musique pop, mais très souvent aussi dans une vision plus expérimentale, plus risquée, je dirais. Oui. Sarah, on va écouter un premier extrait de ton dernier album. C'est un album qui s'intitule Voda. On va écouter une très belle pièce qui s'intitule « Premier pas au marécage » et puis on poursuit notre échange. Thank you. Sarah, j'aimerais qu'on parle de cet album, ton tout dernier, tout chaud, lancé en juin. Ça s'intitule Voda, je l'ai déjà dit. Ça signifie « eau », n'est-ce pas? Oui. Quand on le traduit soit du russe ou encore de l'ukrainien. C'est un album vraiment très singulier. J'aimerais que tu me parles de cet album, que tu me racontes, parce qu'il y a tout de même beaucoup de sources d'inspiration de cet album, et j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que c'est très inspirant comme projet. Bien, c'est un projet qui a commencé avec Nika Stein, qui est chorégraphe, et c'est la sœur d'un musicien avec lequel j'ai souvent travaillé. Donc, c'est ça qu'on s'est connus un petit peu. Et elle est ukrainienne, russe, elle vient d'Odessa. Donc, on a commencé, elle voulait faire toute je ne sais pas comment dire en français, un morceau. Elle avait l'intention de faire tout un morceau de danse solo sur le thème de l'eau. Et pour elle, ça s'appelle Voda O Water. Donc, c'est pour ne pas être vraiment pris dans la langue. Et c'est, elle l'imaginait comme une voyage dans l'eau, mais vraiment en profondeur, et l'eau comme métaphore pour la subconscience et l'eau comme métaphore de qu'est-ce qui nous fait le plus peur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets de mortalité, d'être plongé vraiment au fond de l'océan et de se sentir dans le noir complet, et le désir de vouloir respirer encore et revenir en vie. Donc, c'est ça un petit peu le thématique de tout l'album, et c'est vu comme un voyage au début, juste en regardant la lumière qui touche la surface de l'eau, plonger tout au fond et en revenant de se trouver au bord du lac tranquille avec toute une voyage de... Espérons que c'est pas trop effrayant, mais c'est quand même un petit peu dans le profondeur du sujet de la mortalité, donc... Oui, et on retrouve beaucoup de thèmes dans ce projet-là, mais aussi dans tes autres projets autour de l'environnement, de la nature. C'est un élément qui est inspirant pour toi, qui est important. Absolument, absolument. Et c'est aussi, c'est comme ça que l'expérience d'écouter la musique, c'est souvent comme ça pour moi. Je trouve que la musique, plus que toute autre forme d'art, ça a le potentiel de nous transporter immédiatement, juste avec un son, dans un contexte complètement différent. Et la harpe, pour moi, c'est... Je ne l'ai jamais vu comme instrument célestial, vu que mon début, c'était vraiment avec Harpo Marx, et c'est très terrestre comme inspiration. Mais j'avoue que le son de l'instrument, déjà, il y a une implication de nature. C'est toutes des cordes en boyau, et il y a une richesse dans la tonalité de l'instrument qui... Je trouve que ça me fait beaucoup... ça me met au présent. Ça me fait vraiment sentir que je suis ici en train de respirer et entendre. Et ça me met un petit peu dans la nature, la qualité de l'instrument elle-même. Tout à fait. C'est très intéressant parce qu'effectivement, que la harpe est demeure un instrument un peu lointain, un peu mythique ou mythologique. Et au fond, c'est rafraîchissant de le voir apparaître, actualisé dans les mains de créateurs actuels. Sarah, on va écouter un autre extrait de ce bel album intitulé Voda, une pièce intitulée « Vers les abîmes ». Alors, on écoute ça. Ce sera un extrait parce que c'est une pièce tout de même plutôt longue, mais ce sera un extrait de cette belle pièce « Vers les abîmes ». On écoute ça. 89-1. Vous écoutez La Croche Oreille. À l'écoute de La Croche-Oreille, l'aventure sonore à CKRL, le 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone. J'accueille ce soir en entrevue la musicienne, compositrice et harpiste montréalaise Sarah Pagé. On découvre avec elle un univers sonore singulier, magnifique, issu de la harpe et d'une pléiade d'instrumentation exploitée sur un mode plutôt performatif. Elle nous dévoile ses albums, dont le tout récent Voda, lancé en juin dernier. Alors, restez des nôtres, on poursuit ce dialogue avec elle à l'instant. Sarah, je reviens sur Voda, cet album-là, bon, qui signifie « haut », tu nous as bien expliqué. Tu fais tout de même, dans la présentation de l'album, tu fais référence à Vladimir Nabokov, l'écrivain. On sent aussi que la littérature est omniprésente dans ta réflexion, en tout cas que tu puises beaucoup dans les autres formes d'art. J'aimerais que tu me racontes un peu comment s'amorcent les projets habituellement chez toi là, de création. Quel est le... Il n'y a pas vraiment une schéma standard qui est appliqué à c'est toujours un processus d'un moment. L'inspiration, ça change d'un moment à l'autre. Mais c'est vrai que souvent, c'est un petit peu... à l'envers, je vais écrire un morceau de musique et c'est souvent en la finissant que ça me fait penser à une histoire ou une poème ou un morceau de littérature et c'est souvent comme ça que j'arrive à comprendre ce que je viens de faire. c'est souvent avec au début d'une création, j'aurais peut-être une idée qui est basée sur un son, quelque chose de très, très, très basse. Et une émotion, une dynamique, quelque chose que je vais exprimer en termes de sensations. Et là, je vais partir souvent dans le film comme inspiration. Je trouve que juste le rythme d'un caméra, des fois, je regarde beaucoup de films japonais surtout, mais le rythme du caméra et l'espace, le silence, c'est encore une réflexion de la place de la nature dans la musique et dans la vie, c'est le traitement de l'espace dans le cinéma japonais. C'est souvent ça qui m'inspire en termes de comment faire dérouler une idée, comment elle prend forme. Mais c'est vrai que c'est souvent en finissant une composition que je vais je vais rencontrer quelque chose ou même quand je fais des entretiens comme ça, quelqu'un va m'expliquer leur opinion sur quelque chose que j'ai fait et c'est seulement à ce moment-là que je réalise, ah oui, c'est parce que j'étais en train de lire le I Ching cette semaine-là ou quelque chose comme ça. Sarah, on vient d'entendre une pièce tirée de l'album Code Versus. C'est un album que tu as réalisé en 2022 en collaboration avec Johnny Void. Oui. Tu as réalisé, là, tu en as parlé tout à l'heure, tu as réalisé de nombreuses collaborations, travaillé avec des artistes majeurs. Bon, tu as cité Lhasa Desela, Patrick Patson. Quelle chance tu as eu de travailler avec Lhasa, c'est extraordinaire. Oui. C'est important pour toi ce travail de collaboration? Absolument, absolument, parce que c'est toujours... j'avais une discussion avec une amie qui est un directeur de film, il vient de Liban, et la manière qu'il explique tout, c'est toujours extrêmement poétique. On était en conversation une journée et je disais quelque chose par rapport en termes de composition, que j'étais tirée entre cette idée, il y avait comme un dialogue qui se passait en ma propre tête, et il m'a arrêté, il dit « Mais non, Sarah, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. » Et c'est souvent ça qui me pousse à collaborer avec les autres, parce que si on n'est pas en train de vraiment avoir des vraies interactions et surtout d'essayer de créer ensemble, on est toujours un petit peu pris dans nos idées, même si on pense qu'on est en train de réfléchir et regarder le monde avec plusieurs perspectives différentes. C'est pas vrai, c'est toujours un monologue. Il faut vraiment s'engager avec les autres. Et la musique, c'est à base, c'est une forme d'art qui est sociale, c'est collaboratif, on est très chanceux de ne pas être là. J'ai beaucoup d'amis qui sont peintres et pour eux autres d'essayer de peinturer ensemble, bon, c'est possible, mais pour les musiciens, c'est tellement un cadeau d'être capable d'avoir ces réactions, cette relation immédiat, surtout en improvisant. Donc, c'est toujours mes collaborations qui me poussent à changer le plus. Tout à fait. On va poursuivre, Sarah, à l'écoute d'une création qui s'intitule Pléiade ou encore Pléiades, tu me corrigeras. C'est tiré de l'album Those Curves. Encore, ça sera un extrait, c'est une pièce de longue durée, mais très belle pièce encore une fois. On va prendre le temps d'écouter ça, puis on poursuit ensemble. Sarah, j'étais très, très intéressée de savoir comment t'en es arrivée à cette passion, parce qu'on sent de la passion autour de tout l'univers technologique qui tourne autour de l'instrument de musique traditionnel. Bon, on parle de la harpe, mais on te voit actionner tout cet univers. Et ça aussi, on sent une connivence de ta part, une complicité avec la technologie. C'est important pour toi, cet aspect-là de tirer le potentiel des nouvelles avenues de création, les nouvelles lutheries, et ainsi de suite. Oui, moi, je suis quelqu'un de très, en anglais, on dit « pragmatic », et c'est toujours vraiment, j'ai un son dans la tête, j'ai une idée de ce que je veux faire avec mon instrument, et vu que je viens de l'orchestre et d'une formation classique, j'ai toujours comme des grandes textures et des œuvres énormes dans ma tête. Donc, de me limiter à un instrument, j'adore la tendresse, mais aussi à chaque fois que je rencontre une outil qui me permet d'ouvrir un petit peu les possibilités, je deviens très greedy. Je veux juste avoir tous mes options. Et c'est aussi fonction de ces collaborations, surtout avec les Barr Brothers que j'ai travaillé avec pendant un bon 10 ans, quelque chose comme ça. Et de me trouver dans un contexte, pas vraiment en compétition, mais quand même, il y a cet aspect quand tu es sur la scène avec un batterie, un guitare avec 3 amplis, la basse et tout ça, et là, tu es avec un instrument orchestral, acoustique, tu n'as aucun choix. Tu dois apprivoiser certaines technologies pour être capable de te remettre dans une position d'égalité. Et c'était premièrement juste une recherche complètement utilitarian, c'était nécessaire, mais c'est devenu une passion parce que j'ai trouvé que, pour moi, aussitôt que tu mets un pick-up ou un microphone sur un instrument acoustique, c'est plus le même instrument. Déjà, le son change complètement, et comme musicien classique, on passe des fois des décennies en train de manipuler la texture de notre timbre et de notre contrôle, et de l'avoir complètement changé aussitôt que tu mets un microphone dessus, j'ai décidé de non, absolument pas, il faut que je mette autant de travail à manipuler la couleur et le timbre de mon instrument dans ce contexte-là. Thank you. Sarah, pour compléter notre rencontre de ce matin, j'aimerais que tu me parles de tes projets en cours, les projets à venir là, qui sont sur ta table de travail ou sur tes feuilles de musique. Il y a beaucoup en ce moment. Je suis un petit peu... J'ai réalisé hier, c'est vraiment... j'ai une année absolument fou avec tous les projets que je viens de décider de faire, mais bon, on va survivre. Avec Voda, la première chose, c'est que j'ai décidé, vu que c'était un album que j'avais fait dans mon studio ici pendant la pandémie, c'est souvent des instruments, des improvisations avec beaucoup de violon, de violoncelle, de la harpe, et j'ai décidé que, bon, je voulais vraiment être capable de le présenter en public, et dans cette forme-là, c'est pas possible en ce moment. Donc, j'ai demandé juste la semaine dernière à l'ensemble No Hey Band de me rejoindre. Donc, on commence à retravailler tous les arrangements pour Voda. Et il va y avoir une première, je crois, en janvier 2025. Mais ça va être Voda pour violoncelle, violon, percussion, contrebasse, harpe et onde Martineau. Donc, je suis très excitée pour ça. Et soprano. Je commence aussi à travailler sur mon troisième album solo qui est... Je ne vais pas tout expliquer ça parce que c'est très, très long. Je suis au début d'un processus, j'ai plein d'idées. C'est, comme j'ai dit, c'est juste à la fin que j'arrive à comprendre. Donc. Mais je commence à travailler mon troisième album solo et je reviens un petit peu à la harpe comme centre de l'univers. Donc, il y a ça et je suis en train en ce moment de finir un album trio. J'ai une nouvelle trio avec Sean Malavetsky sur tabla et Amir et Santour. Donc, je crois qu'on a un spectacle à Rivière-du-Loup le 2 novembre. Donc, c'est la première fois depuis qu'on finit notre album qu'on va essayer de jouer tous ces arrangements fous. Je viens tout juste de finir la production électronique sur ce trio et c'est quand même énorme comme son. Donc, c'est très fun de commencer à voir comment on va présenter ça sur la scène. Et finalement, j'ai le duo avec Johnny Void. On va faire un autre album duo qui devrait être fini ce printemps, et un duo que je suis en train de retravailler même aujourd'hui avec Patrick Graham, percussionniste. Donc, c'est beaucoup. C'est magnifique tout ce travail. Oui. Sarah Pagé, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'était très agréable. Merci. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de la compositrice, créatrice sonore et harpiste Sarah Pagé, dont vous retrouverez la plupart des œuvres sur les plateformes en ligne, dont la plateforme Bandcamp. Un grand merci à Sarah Pagé de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute à votre guise. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.